rajouter une note. Des mesures. Le nouvel hymne national. Ça serait plus joli que la Marseillaise. Rivaliser avec les Anglais ou les Américains. Et notre Marseillaise de merde. Stéréo, ton son. Trop beau, ça passe bien à la gauche à droite, sympa. J'adore ça. Thank you. was the wrong place.